Chapitre 4 du livre 7e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 7e, parenthèse, chapitre 4. Le couvent au point de vue des principes. Des hommes se réunissent et habitent en commun. En vertu de quel droit? En vertu du droit d'association. Ils s'enferment chez eux. En vertu de quel droit? En vertu du droit qu'a tout homme d'ouvrir ou de fermer sa porte. Ils ne sortent pas. En vertu de quel droit? En vertu du droit d'aller et venir, qui implique le droit de rester chez soi. Là, chez eux, que font-ils? Ils parlent bas, ils baissent les yeux, ils travaillent. Ils renoncent au monde, aux villes, aux sensualités, aux plaisirs, aux vanités, aux orgueils, aux intérêts. Ils sont vêtus de grosses laines ou de grosses toiles. Pas un d'eux ne possède en propriété quoi que ce soit. En entrant là, celui qui était riche se fait pauvre. Ce qu'il a, il le donne à tous. Celui qui était ce qu'on appelle noble, gentilhomme et seigneur, est l'égal de celui qui était paysan. La cellule est identique pour tous. Tous subissent la même tonsure, portent le même froc, mangent le même pain noir, dorment sur la même paille, meurent sur la même cendre. Le même sac sur le dos, la même corde autour des reins. Si le parti pris est d'aller pieds nus, tous vont pieds nus. Il peut y avoir là un prince. Ce prince est la même ombre que les autres. Plus de titres. Les noms de famille même ont disparu. Ils ne portent que des prénoms. Tous sont courbés sous l'égalité des noms de baptême. Ils ont dissous la famille charnelle et constitué dans leur communauté la famille spirituelle. Ils n'ont plus d'autres parents que tous les hommes. Ils secourent les pauvres, ils soignent les malades. Ils élisent ceux auxquels ils obéissent. Ils se disent l'un à l'autre « Mon frère ». Vous m'arrêtez et vous vous écriez « Mais c'est là le couvent idéal !» Il suffit que ce soit le couvent possible pour que j'en doive tenir compte. De là vient que, dans le livre précédent, j'ai parlé d'un couvent avec un accent respectueux. Le Moyen-Âge écarté, l'Asie écartée, la question historique et politique réservée, au point de vue philosophique pur, en dehors des nécessités de la politique militante, à la condition que le monastère soit absolument volontaire et ne renferme que des consentements, je considérerai toujours la communauté claustrale avec une certaine gravité attentive et, à quelques égards, déférente. Là où il y a la communauté, il y a la commune. Là où il y a la commune, il y a le droit. Le monastère est le produit de la formule « égalité-fraternité ». Oh, que la liberté est grande, et quelle transfiguration splendide! La liberté suffit à transformer le monastère en république. Continuons. Mais ces hommes ou ces femmes, qui sont derrière ces quatre murs, ils s'habillent de bure, ils sont égaux, ils s'appellent frères, c'est bien. Mais ils font encore autre chose? Oui. Quoi? Ils regardent l'ombre, ils se mettent à genoux et ils joignent les mains. Qu'est-ce que cela signifie? Fin du chapitre 4 du livre 7e, enregistré par Ezoie en Belgique en août 2010.